18 au 22 juillet, c'est le méga week-end de golf au club de Saint-Prime en collaboration avec Toiture Hillman. Participez au concours de Long Drive le vendredi 21 juillet et courez la chance de vous envoler pour Las Vegas. Informations et inscriptions ou pour l'horaire de la fin de semaine, consultez notre page Facebook ou notre site Internet au www.golfsaintprime.qc.ca. Le club de golf de Saint-Prime, 418-251-2831. Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. Au microphone de Denis Veilleux, on va ouvrir le bulletin de sport local en parlant qu'en fin de semaine se déroule le marathon du lac à Jim à Saint-Thomas-d'Isle avec l'épreuve reine du 15 km. Hier, on a eu sur les ondes d'AnRadioSport.com Gabriel Trottier, qui est la responsable de l'événement, et elle nous parle que c'est quand même... Ça a gagné beaucoup, beaucoup en popularité et en crédibilité au fil des ans. Oui, tout à fait. Là, cette année, je crois que ce sera vraiment l'année record en termes de participation. Il y a plusieurs clubs. En fait, le bouche en oreille, je crois qu'il fait son effet. Il y a plusieurs clubs de Montréal qui m'ont contacté. Les jeunes vont descendre pour une première expérience en eau libre. Donc, il devrait y avoir vraiment plusieurs nageurs à l'eau. Et Gabriel Dottier explique un peu dans un deuxième temps que c'est une belle préparation pour la traversée internationale du Lac-Saint-Jean qui aura lieu à la fin du mois de juillet. Au départ, quand on a fait la première édition du marathon du Lac-Saint-Jean en 2012, moi-même, je nageais, je faisais la traversée deux semaines plus tard. Et l'objectif du 15 km, c'était vraiment le deux semaines avant, arrive vraiment juste à point parce que c'est un peu un dernier gros entraînement préparatif à la traversée du Lac-Saint-Jean qui s'en vient. Okay. Donc, en plus d'être un gros entraînement, il est de le faire de manière compétitive. Ça nous permet de voir vraiment où est-ce qu'on en est, est-ce que notre forme est à point, voir les autres adversaires aussi. Donc, c'était vraiment l'objectif. Puis cette année, avec les nageurs qui sont inscrits, ça prouve vraiment que notre but, c'était le bon parce que sur les 8 nageurs qui vont être sur la ligne de départ, il y en a 7 qui vont prendre part au départ de la traversée du lac Saint-Jean. Dans un dernier temps, Gabriel Trottier nous parle de la création de la Coupe Sadlac, qui est une association entre les 3 épreuves du Saint-Lac Saint-Jean, soit Saint-Thomas-d'Isle, Roberval et Chicoutimi, pour évidemment populariser le sport de la nage en eau libre. En fait, c'est pas avec seulement ces deux organisations, okay, mais également avec la traversée du lac Saint-Jean. Donc, on est 3 organisations en eau libre de la région qui ont décidé de s'associer cette année pour faire la promotion de la nage en eau libre pour les jeunes de la région. Okay. Ce qu'on veut, c'est vraiment développer les nageurs. Bon, au jeu du Québec, les jeunes sont âgés de 14 à 17 ans, si je ne me trompe pas. Il y a des courses en eau libre. Fait que nous, notre objectif, c'est vraiment de préparer ces jeunes-là pour les Jeux du Québec, faire découvrir l'eau libre. Donc, on a décidé de créer une coupe qui va s'appeler la Coupe Saglac en eau libre. Il y a 3 compétitions, comme vous aviez dit, à Chibougamau, qui était la semaine dernière, le marathon du lac Adjim qui va avoir lieu samedi, et le 5 km à la traversée qui a lieu la semaine prochaine. Okay. Les jeunes âgés de 14 à 16 ans qui sont affiliés avec un club de la région vont accumuler des points en faisant ces 3-5 km-là, et à la fin de la dernière épreuve, celui qui aura le plus de points va être couronné champion. L'activité qui a eu lieu hier à Ville-Saguenay, c'était un temps superbe pour ça. C'est que il y avait un match de baseball hier entre Amical, mais qui comptait au classement entre les Voyageurs de Ville-Saguenay et l'équipe nationale cubaine junior. Et défaite des Voyageurs par le pointage de 9 à 2. C'est Derek Côté qui a été le lanceur perdant pour les Voyageurs. Le stade Richard Desmolles était quand même plein à bonne capacité. 1400 spectateurs s'étaient réunis hier à Ville-Saguenay pour voir l'équipe nationale cubaine. Au soccer, il y avait des matchs qui nous intéressaient dans les différentes ligues. D'abord, Roberval a défait le FC de Saint-Félicien 8 à 1. Dans le U12 masculin, Roberval a gagné 8 à 1 sur Saint-Félicien. Et dans le U14 masculin, Roberval et le Boreal d'Alma se sont livrés un verdict nul de 0 à 0. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu avec table ronde avec Frédéric Lord de TVA Sport et également Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, où on a parlé du bilan de mi-saison de l'Impact de Montréal. Bernard Barré vient nous parler vient nous expliquer la version de Jim dans le dossier Arthur Beterbiev, le litige qui oppose Beterbiev au groupe Jim. Également la chronique du club de golf de